Livre 2, chapitre 4. Voyage des messagers en quête de Mordrin, de Nacien et de Célidoine. La nouvelle de la mort de Calafer et de la disparition de Nacien fut, on peut le croire, un grand sujet d'étonnement pour la bonne et belle duchesse Flégétine. Nacien, son époux, lui apparut bientôt en songe pour la consoler et l'avertir que Dieu voulait les réunir un jour et établir leur postérité dans une contrée lointaine, vers Occident. La dame prit aussitôt la résolution de quitter sa ville d'Orbéric et de suivre pour sa quête la direction assez vague que la vision lui avait indiquée. Elle venait de partir, accompagnée d'un vavasseur loyal, quand la reine Sarasinthe, écoutant une impulsion analogue, chargeait 5 fidèles sergents d'entreprendre un autre voyage en quête de Mordrin. Les messagers partirent, munis d'un bref qui devait, à l'occasion, leur servir de lettre de créance et où se trouvait indiqué le but de leur voyage et l'histoire des épreuves subies par le roi Mordrin, le duc Nacien et le jeune Célidoine. Les 5 prud'hommes prirent leur chemin vers Égypte et arrivèrent dans la ville de Coquehan, patrie de l'aïeul de la bonne dame Marie l'Égyptienne. Avertis dans un songe qu'ils faisaient fausse route et que celui qu'ils cherchaient errait en ce moment sur la mer de Grèce, ils revinrent sur leurs pas et entrèrent dans Alexandrie, où ils ensevelirent un de leurs compagnons qui n'avait pu supporter la chaleur excessive du climat. Sur le rivage, ils aperçurent une nef qui semblait abandonnée. Grande fut leur surprise en l'abordant de trouver sur le pont et dans le fond de la nef 200 cadavres. Ils regardèrent çà et là et découvrirent enfin une jeune dame qui fondait en pleurs. Comment et par quelle aventure se trouvait-elle en pareil lieu ? « Seigneur, leur dit-elle, si vous promettez de m'épargner, je vous le dirai. Les gens que vous voyez étaient sujets du roi Labelle, mon père. Il prit envie, il y a quelque temps, au roi Ménélo, un de mes oncles, d'aller voir son fils, gouverneur de Syrie. Il se mit en mer et me permit de l'accompagner. Le roi de Tarse, qui depuis longtemps était en guerre avec lui, ayant avis de son départ, fit équiper un grand nombre de nefs et vint croiser et attaquer la nôtre. Le combat fut long et des plus acharnés, mais il fallut céder au nombre. Mon oncle mourut les armes à la main. Ceux qui l'accompagnaient eurent le même sort. C'est eux dont les corps sont étendus devant vous. Par une sorte de compassion pour ma jeunesse, la vie que j'aurais tant désiré perdre me fut laissée. C'est à vous de voir s'il ne conviendrait pas mieux de me faire mourir. » Les messagers furent touchés de ce récit, mais résolurent de profiter de la nef pour continuer leur quête. Ils demandèrent à la fille du roi Labelle s'il lui conviendrait de les accompagner. La demoiselle répondit que, s'ils s'engageaient à ne pas lui faire de honte, elle les suivrait volontiers partout où il leur plairait d'aller. Leur premier soin fut d'aviser au moyen de débarrasser la nef de tous les cadavres et de les mettre à l'abri de la dent des ours et des lions. Aidés par les gens du pays, ils creusèrent une large fosse où furent déposés les 200 corps. On les recouvrit d'une large pierre avec cette inscription. Ci gisent les gens de Labelle, tués par ceux de Tarse. Les messagers en quête de Nacien les ensevelirent par un pieux respect de leur humanité, par piété d'humaine semblance. Ils garnirent ensuite la nef de tout ce qui pouvait les soutenir durant une traversée aussi aventureuse. Mais vainement cherchèrent-ils un pilote. La nuit venue, ils s'endormirent tous dans la nef. Comme les voiles étaient restées tendues, voilà qu'un souffle puissant ébranla le vaisseau, le poussa en pleine mer, si bien que le lendemain, au réveil, ils n'aperçurent plus le rivage et se trouvèrent sans maître et sans pilote, voguant aussi rapidement que l'émerillon quand on le poursuit ou qu'il poursuit une proie. Ils ne manquèrent pas de se mettre à genoux et d'implorer à chaudes larmes la protection céleste. Le matin du 4e jour, leur nef fut poussée contre une île hérissée de rochers et se fendit en 4 morceaux. Des 4 messagers, 2 furent noyés. Les 2 autres gagnèrent les rochers qui bordaient cette île. Pour la demoiselle, Elle se soutenait sur une planche en implorant la pitié de ses compagnons de voyage. L'un d'eux, au risque de se noyer lui-même, ôta ses vêtements, s'élança vers elle à la nage et la traîna jusqu'à l'endroit qui les avait recueillis. Alors ils regardèrent de tous côtés et aperçurent à la droite de la roche un petit sentier qui conduisait à la cime d'une montagne fermée par les rochers du rivage opposé. À mesure qu'ils avançaient, ils découvraient de bonnes terres, des vergers, des jardins depuis longtemps incultes, puis un château grand et fort à merveille, bien que plusieurs pans de murailles en fussent abattus. Dans une enceinte démantelée, s'élevait un palais ruiné, mais somptueux, construit en marbre de couleurs variées, dont plusieurs piliers étaient encore debout. Quel prince avait possédé, quel maître avait pu construire un si merveilleux édifice? En regardant de tous côtés, ils découvrirent, sous un portique de marbre incrusté d'or, d'argent et d'agate, un lit, le plus riche du monde, dont les quatre pieds étaient émaillés et couverts de pierres précieuses. Sous le lit avait été déposée une tombe d'ivoire ornée de figures d'oiseaux, et sur laquelle on lisait en lettres d'or « Sigi Hippocras, le plus grand des physiciens, qui fut trompé et mis à mort par l'engin et la malice des femmes. » L'histoire des philosophes atteste qu'Hippocras fut le plus habile de tous les hommes dans l'art de physique. Il vécut longtemps sans être grandement renommé, mais une chose qu'il fit à Rome répandit en tout lieu le bruit de sa science incomparable. C'était au temps de l'empereur Augustus César. Hippocras, en entrant dans Rome, fut étonné de voir tout le monde en deuil, comme si chacun des citoyens eût perdu son enfant. Une demoiselle descendait alors les degrés du palais. Il l'arrête par le giron et la prie de lui apprendre la cause d'une si grande douleur. « C'est, lui répond cette demoiselle, que Gaius, le neveu de l'empereur, est en ce moment mort ou peu s'en faut. L'empereur n'a pas d'autre héritier, et Rome fait à sa mort la plus grande perte du monde, car c'était un très bon et très beau jeune homme, bien enseigné, large aumônier envers les pauvres gens, humble et doux envers tout le monde. « Où est le corps ?» demanda Hippocras. « Dans la salle de l'empereur. » « Si l'âme, pensa Hippocras, n'est pas encore partie, je saurais bien la faire demeurer. » Il monte les degrés du palais et trouve à l'entrée de la chambre une foule qui ne semblait pas permettre de passer outre. Toutefois, il rejette en arrière le capuchon de son manteau, enfonce son chapeau de bonnet, son chapelle de bonnet. Le bonnet était, je crois, la bourre de soie. Nous avons plus tard transporté à la coiffure le nom du tissu. Pousse et se glisse tellement entre les uns et les autres qu'il arrive au lit du jeune Gaius. Il le regarde, pose sa main sur la poitrine, sur les tempes, puis sur le bras à l'endroit du pouls. « Je demande, dit-il, à parler à l'empereur. » L'empereur arrive. « Sire, que me donnerez-vous si je vous rends votre neveu sain et guéri? Tout ce que vous demanderez. Vous serez à jamais mon ami, mon maître. En prenez-vous l'engagement? Oui, sauf mon honneur. » « Oh, quant à votre honneur, répond Hippocras, vous n'avez rien à craindre. Je le tiens plus cher que tout votre empire. » Alors il tira de son aumônière une herbe qu'il détrempa dans la liqueur d'une fiole qu'il portait toujours sur lui. Puis, faisant ouvrir les fenêtres, il desserra les dents de Gaius avec son petit canivet et fit pénétrer dans la bouche tout ce qu'il put de son breuvage. Aussitôt l'enfant commence à se plaindre et entr'ouvre les yeux. Il demande à voix basse où il était. Qu'on juge de la joie de l'empereur, chacun des jours suivants, Gaius sentit la douleur diminuer et les forces revenir, si bien qu'au bout d'un mois il fut aussi sain, aussi bien portant qu'il eût jamais été. Dès ce moment, on ne parla plus que d'Hippocras dans Rome. Tous les malades venaient à lui et s'en retournaient guéris. Il parcourut les environs de Rome et conquit ainsi l'amour et la reconnaissance de tous ceux qui réclamèrent son secours. Il ne demandait jamais de salaire, mais on le comblait de présents, si bien qu'il devint très riche. Ce fut en vain que l'empereur lui offrit des terres, des honneurs. Il répondit qu'il n'avait rien à souhaiter s'il avait son amour. Seulement, il consentit à vivre au pain, au vin et à la viande de l'empereur, et à recevoir de lui ses robes. Mais cela ne suffisait pas au cœur de César Auguste, et voici le moyen qu'il imagina pour reconnaître ce qu'Hippocrate avait fait pour lui. Il fit élever au milieu de Rome un pilier de marbre plus haut que la plus haute tour, et par son ordre on plaça au sommet deux images de pierre, représentant l'une Hippocrate, l'autre Gaius. De la main gauche, Hippocrate tenait une tablette sur laquelle était écrit en grandes lettres d'or « C'est Hippocrate, le premier des philosophes, lequel mit de mort à vie le neveu de l'empereur, Gaius, dont voici l'image. » Le jour même où ces images furent découvertes, l'empereur prit Hippocrate par la main et le conduisit aux fenêtres de son palais, d'où l'on pouvait voir le pilier. « Quelles sont, dit Hippocrate, ces deux images ?»« Vous pouvez bien le voir, répond l'empereur. Vous savez assez de lettres pour lire celles qui sont là tracées. » « Elles sont bien éloignées, dit Hippocrate. » Cependant, il prit un miroir et avisa les lettres. Il les vit retourner, mais n'en reconnut pas moins ce qu'elles signifiaient. « Sire, dit-il à l'empereur, vous auriez bien pu, sauf votre grâce, vous dispenser de dresser ces images. Je n'en vaudrais pas mieux pour elles. Elles ont coûté grand et peu valent. Mon véritable gain, c'est votre amour que j'ai conquis. » Et comme dit la vieille sentence, « Qui a prud'homme sa compagne est assez payé de son service. » Dans le temps qu'Hippocrate était en si grand honneur à Rome, une dame, née des parties de Gaule, vint séjourner dans cette noble ville. Elle était d'une grande beauté, tout annonçait en elle une naissance illustre. Elle serait venue pour épouser l'empereur qu'elle n'eût pas porté des vêtements plus riches et mieux assortis à sa personne. L'empereur, en la voyant si belle, voulut qu'elle fût de son hôtel, qu'elle prît de ses viandes. On lui donna pour elle seule une chambre et des dames et demoiselles pour lui faire compagnie. Elle vivait déjà depuis quelque temps à Rome, quand un jour l'empereur, Hippocrate et quelques autres chevaliers de la cour s'arrêtèrent devant sa chambre. Dès qu'elle les entendit parler, elle entr'ouvrit sa porte, et les rayons du soleil, qui frappaient alors sur l'or dont les deux images étaient décorées, vinrent retomber sur son visage et l'éblouirent au point de l'empêcher de voir l'empereur. À quelques moments de là, voulant savoir ce qui l'avait ainsi ébloui, elle aperçut les deux images sur le pilier. On lui dit que c'était Gaius, le neveu de l'empereur, et celui qui avait ramené Gaius de mort à vie, c'est-à-dire Hippocrate, le plus sage des philosophes. « Oh ! Reprit-elle, celui-là qui peut ramener un homme de mort à vie n'est pas encore né. Que cet Hippocrate soit le premier des philosophes, j'y consens. Mais si je voulais m'en entremettre, je n'aurais besoin que d'un jour pour en faire le plus grand fou de la ville. » Le mot fut rapporté à Hippocrate, qui le prit en dédain parce qu'il avait été dit par une femme. Toutefois, il pria l'empereur de lui donner les moyens de voir celle qui avait ainsi parlé. « Je vous la montrerai demain quand nous irons faire nos prières au temple. » De son côté, la dame, à partir de ce jour, prit un plus grand soin de se parer pour arrêter plus sûrement les regards d'Hippocrate. Le lendemain, à heure de prime, l'empereur alla, comme il en avait l'habitude, au temple et mena Hippocrate avec lui. Ils se placèrent au siège réservé des clercs. La dame de Gaulle eut soin de se mettre en face, et quand elle se leva pour l'offrande, on admira la beauté de son visage et de ses vêtements. L'empereur, alors faisant un signe à Hippocrate, « La voilà, » dit-il. Hippocrate suivit des yeux la dame à l'aller et au retour. Elle, en passant devant leur siège, jeta sur lui à la dérobée un regard doux et amoureux. Puis, revenue à sa place, elle ne cessa de le regarder, si bien qu'Hippocrate fut aussitôt troublé, surpris et enflammé. À la fin du service, il eut grand-peine à regagner son hôtel, se mit au lit et resta plusieurs jours sans manger, le cœur gonflé, les yeux remplis de larmes et tellement confus qu'il aimait mieux se laisser mourir que d'en révéler la cause. Toute la ville de Rome fut consternée en apprenant que le grand philosophe était atteint d'un mal qu'il ne pouvait ou ne voulait guérir. Son hôtel était constamment rempli des gens qui venaient demander s'il n'y avait aucune espérance de le sauver. Un jour, toutes les dames de la cour se réunirent pour aller le voir, et du nombre se trouva la belle Gauloise, dont la plus riche parure du monde. Quand il les eut toutes remerciées de leur visite, et qu'elles commencèrent à prendre congé, il fit avertir la belle dame de rester, pour lui parler un instant seul à seul. Elle se douta déjà de son intention, et revenant près de son lit, « Hippocras, beau doux ami, lui dit-elle, est-il vrai que vous désiriez me parler ? Je suis prête à faire tout ce qu'il vous plaira de demander. »« Ah, dame, répondit Hippocras, je n'aurais pas le moindre mal si vous m'aviez dit cela plus tôt. Je meurs par vous pour l'amour dont vous m'avez brûlé, et si je ne vous ai entre mes bras, comme amant pouvant tout réclamer de son ami, je n'éviterai pas de mourir. »« Que dites-vous là ? Répond la dame. « Mieux vaudrait que je fusse morte, moi et cent autres tels que moi, à la condition de vous laisser vivre. Reprenez courage, buvez, mangez, tenez-vous en joie, nous prendrons notre temps, et je n'entends rien vous refuser. »« Grand merci, dame, pensez à votre promesse quand vous me reverrez à la cour. » Elle sortit, et Hippocras, à partir de ce moment, revint en couleur, en bonne disposition. Il ne refusa plus les aliments, se leva, et quelques jours suffirent pour que la nouvelle de la guérison du grand philosophe se répandît dans toute la ville. Il reparut à la cour, et Dieu sait l'accueil et la belle chère qu'on lui fit. Mais personne ne le reçut plus gracieusement que la dame gauloise qui, mettant sa main dans la sienne, le fit monter au haut de la tour du palais jusqu'au créneau auquel une longue et forte corde était attachée. « Voyez-vous cette corde, belle amie ? Dit-elle. Oui. Savez-vous quel est son usage ? Nullement. Je vais vous le dire. Dans une des chambres de la tour où nous sommes est enfermé Glaucus, le fils du roi de Babylone. On ne veut pas que sa porte soit jamais ouverte. Quand il doit manger, on pose sa viande dans la corbeille que vous voyez attachée près de la terre, et on la fait monter jusqu'à la petite fenêtre qui répond à sa chambre. « Beau très doux ami, écoutez-moi bien. Si vous souhaitez faire de moi votre volonté, vous viendrez devant la fenêtre de ma chambre, au-dessous de celle de Glaucus. Dès qu'il fera nuit, vous vous placerez dans la corbeille. Nous tirerons la corde jusqu'à nous, moi et mademoiselle. Vous entrerez, et nous pourrons converser librement jusqu'au point du jour. Vous descendrez comme vous serez monté, et nous continuerons à nous voir aussi souvent qu'il nous plaira. » Hippocras, loin d'entendre malice à ses paroles, remercia grandement la dame et promit bien de faire ce qu'elle lui proposait, sitôt que la nuit serait venue et que l'empereur serait couché. Mais il arrive trop souvent qu'on se promet grand plaisir de ce qui doit causer le plus d'ennui, et ce fut justement le cas d'Hippocras. Il ne pouvait détourner les yeux du solier où reposait la dame qu'il devait visiter, et il lui tardait de voir arriver la nuit. Enfin, les sergents cornèrent le souper, les nappes mises, l'empereur s'assit et fit asseoir autour de lui ses chevaliers et Hippocras, auxquels chacun portait honneur. Car il était beau bachelier, le teint brun et amoureux, agréable en parole et toujours vêtu de belles robes. Il but et mangea beaucoup au souper. Il fut plus avenant, mieux parlant que jamais, comme celui qui comptait avoir bientôt joie et liesse de sa mille. Au sortir de la table, l'empereur annonça qu'il irait le lendemain chasser avant le point du jour et se retira de bonne heure, tandis qu'Hippocras passa chez les dames pour converser et s'ébattre avec elles jusqu'au moment où chacun prit congé pour aller reposer. Minuit arriva. Quand tout le monde fut endormi du premier sommeil, Hippocras se leva, se chaussa, se vêtit et s'en vint doucement au corbillon. La dame et sa demoiselle étaient en aguet à leur fenêtre. Elles tirèrent la corde jusqu'à la hauteur de la chambre où Hippocras pensait entrer. Puis elles continuèrent à tirer, si bien que le corbillon s'éleva plus de 2 lances au-dessus de leur fenêtre. Alors elles attachèrent la corde à un crochet enfoncé dans la tour et crièrent « Tenez-vous en joie, Hippocras ! Ainsi doit-on mener les musards tels que vous !» Or, ce corbillon n'était pas là pour transporter les denrées au fils du roi de Babylone. Il servait à exposer les malfaiteurs avant d'en faire justice, comme les pilories établies aujourd'hui dans les bonnes villes. On peut juger quelles furent la douleur et la confusion d'Hippocras en entendant les paroles de la dame et en se voyant ainsi trompé. Il demeura dans cette corbeille toute la nuit et le lendemain jusqu'à vêpres, car l'empereur ne revint de la chasse que tard et ne put auparavant savoir mot de ce qui ne manqua pas de faire l'entretien de toute la ville. Dès que le jour fut levé et qu'on aperçut le corbillon empli, « Allons voir, se dit-on l'un l'autre, allons voir quel est le malfaiteur qu'on a exposé, si c'est un voleur ou bien un meurtrier. » Et quand on reconnut que c'était Hippocrate, le sage philosophe, le bruit devint plus fort que jamais. « Et quoi, c'est Hippocrate ? Et qu'a-t-il fait ? Comment a-t-il pu mériter si grande honte ?» On avertit les sénateurs, on s'enquiert d'eux si le jugement vient d'eux ou de l'empereur. Mais personne ne sait en donner raison. L'empereur, disait-on, n'a pu ordonner cela. Il est maître Hippocrate. Il sera très courroucé en apprenant qu'on l'a si indignement traité. Il faut descendre la corbeille. Non, disaient les autres. Encore ne savons-nous bien si l'empereur n'a pas eu ses raisons d'agir ainsi. En tout cas, il aura bien mal reconnu les grands services qu'Hippocrate a rendus à lui et à tant d'autres bonnes gens de la ville. Ainsi parlaient petits et grands autour de la corbeille, si haut levée qu'une pelote la mieux lancée n'aurait pu l'atteindre. Pour Hippocrate, il avait remonté son chaperon et se tenait si profondément pensif qu'il se fût laissé volontiers tomber, sans l'espoir qu'il gardait de se venger. Cependant, l'empereur revint de sa chasse, tout joyeux de la venaison qu'il rapportait. Il aperçut le corbillon et demanda quel était le malfaiteur qu'on y avait exposé. « Eh, sire, ne le savez-vous pas ? C'est Hippocrate, votre grand ami. N'est-ce pas vous qui avez ordonné de le punir ainsi ? Moi, puissant Dieu, avez-vous pu le croire ? Qui osa lui faire un tel affront ? Malheur à lui, je le ferai pendre, qu'on descende de la corbeille et qu'on m'amène Hippocrate. » Il fut sur le champ descendu. L'empereur, en le voyant venir, courut au-devant et lui jetant les bras au cou. « Ah, mon cher Hippocrate ! Qui vous a pu faire une pareille honte ? Sire, répondit-il tristement, je ne sais, et quand je le connaîtrai, je ne saurais dire pourquoi. Je dois attendre patiemment le moment d'en avoir satisfaction. » Quelque soin que prit l'empereur de lui en faire dire plus, il ne put y parvenir. Hippocrate, évitant avec grand soin de parler de rien qui pût rappeler sa triste aventure. Seulement, à partir de ce jour, il cessa de visiter les malades et de répondre à ceux qui vinrent le consulter sur leurs infirmités. L'empereur, auquel tout le monde se plaignait du silence d'Hippocrate, eut beau le prier, il répondit qu'il avait perdu toute sa science et qu'il ne la pourrait retrouver qu'après avoir obtenu vengeance de la honte qu'on lui avait faite. Revenons maintenant à la belle dame, la plus heureuse d'entre toutes les femmes, pour avoir ainsi trompé le plus sage des hommes. Elle ne s'en tint pas encore là, mais faisant venir un orfèvre de Rome qu'elle connaissait beaucoup, et, comme elle, venue des parties de la Gaule, elle lui dit, sous le sceau du secret, ce qu'elle avait fait d'Hippocrate. « Je vous prie maintenant, lui dit-elle, de disposer pour moi une table dorée de votre meilleur travail, avec l'image d'Hippocrate au moment où il entre dans la corbeille, à laquelle tiendra une corde. Dès que vous l'aurez faite, vous attendrez la nuit et vous la porterez vous-même sur le pilier où sont déjà les images d'Hippocrate et de Gaius. Surtout, si vous aimez votre vie, faites que personne ne sache rien de tout cela. » L'orfèvre promit tout et la table qu'il exécuta fut plus belle, l'image d'Hippocrate plus fidèle que la dame ne l'avait espérée. Quand il fut parvenu secrètement à la fixer sur le pilier, durant une nuit des plus sombres, toute la ville la vit flamboyer le lendemain au premier rayon du soleil. Ce fut pour tous un nouveau sujet de surprise et de chuchotement qui tournait encore à la honte d'Hippocrate. On se souvenait de son aventure, on se demandait qui pouvait l'avoir aussi bien représentée. L'empereur était alors absent de la ville. Quand il y revint, un de ses premiers soins fut de paraître aux fenêtres avec Hippocrate. Ayant arrêté les yeux sur les deux images, « Quel sens a cette nouvelle table ?» dit-il au philosophe, « et qui a pu oser la placer sans mon ordre ?»« Ah, sire, répondit Hippocrate, n'y voyez-vous pas l'intention d'ajouter à ma honte ? Si vous m'aimez, ordonnez, je vous prie, que la table et les statues soient abattues sur le champ, autrement je quitterai la ville et vous ne me reverrez jamais. » L'empereur fit ce qu'Hippocrate désirait, et c'est ainsi qu'on perdit le souvenir du séjour du grand médecin dans la ville et de ses merveilleuses guérisons. La dame ne s'en félicita que plus d'avoir réduit à néant la renommée de celui qu'on disait le plus sage des hommes. Pour Hippocrate, on ne le vit plus rire et se jouer avec les dames. Il restait dans sa chambre et répondait à peine à ceux qui se présentaient pour jouir de son entretien. Un jour qu'il était tristement appuyé à l'une des fenêtres du palais, il vit sortir, d'un trou pratiqué sous les degrés, un nain boiteux et noir, au visage écrasé, aux yeux éraillés, aux cheveux hérissés, en un mot, la plus laide créature que l'on pût imaginer. Le malheureux vivait des reliefs de la table et des aumônes que lui faisaient les gens du palais. L'empereur, ému de compassion, lui avait permis de placer dans ce trou un méchant lit et d'en faire sa demeure ordinaire. Hippocrate choisit ce monstre pour l'instrument de sa vengeance. Il alla cueillir une herbe dont il connaissait la vertu, fit sur elle un certain charme, et quand il l'eut conjurée comme il l'entendait, il s'en vint au bossu et se mit à parler et plaisanter avec lui. « Vois-tu, lui dit-il, cette herbe que je tiens à la main, si tu pouvais la faire toucher à la plus belle femme, à celle que tu aimerais le mieux, tu la rendrais aussitôt amoureuse de toi, et tu ferais d'elle ta volonté. »« Ah ! » reprit le bossu, « vous me gabez, sire Hippocrate. Si j'avais une herbe pareille, j'éprouverais sa vertu près de la plus belle dame de Rome, celle qui vint de Gaule. »« Promets-moi, reprend Hippocrate, que tu ne la feras toucher à nul autre et que tu me garderas le secret. Je vous le promets sur ma foi et sur nos dieux. » L'herbe fut donnée, et le lendemain, de grand matin, le nain se plaça sur la voie que l'on suivait pour aller au temple. Quand la dame de Gaule passa devant lui, il s'approcha, et tout en riant, « Ah, madame, que vous avez la jambe belle et blanche! Heureux le chevalier qui pourrait la toucher !» La dame était en petits souliers ouverts que l'on appelle escarpins. Le nain l'arrêta par le pan de son hermine, et portant l'autre main sur le soulier étroitement chaussé, appliqua l'herbe sur le bas de la jambe en disant « Faites-moi l'aumône, madame, ou donnez-moi votre amour !» La dame passa tête baissée sans mot répondre, mais sous sa guimpe elle ne put se tenir de sourire. Arrivée au temple avec les autres, elle se sentit tout émue et ne put dire sa prière. Elle devint toute rouge en ne pouvant détourner du nain sa pensée, si bien qu'elle fit un grand effort pour ne pas revenir à l'endroit où il lui avait parlé. Elle ne suivit pas ces demoiselles au retour du temple, mais retourna précipitamment à sa chambre, se jeta sur son lit, fondit en larmes et en soupirs tout le reste du jour et la nuit suivante. Quand vint la minuit, tout est perdu, elle quitta sa couche et s'en alla seule vers le repaire du nain, dont la porte était demeurée entr'ouverte. Elle y pénétra comme si elle eût été poursuivie. « Qui est là ? » dit-elle. « Dame, répondit le nain, votre ami qui vous attendait. » Aussitôt, elle se précipita sur lui, les bras ouverts, et l'embrassa mille fois. L'heure de prime arriva qu'elle le tenait encore fortement serré contre son beau corps. Or, Hippocrate, averti par son valet, l'avait vu arriver au degré. Il courut éveiller l'empereur. « Venez, sire, voir merveille, venez, vous et vos chevaliers !» Ils descendirent le degré et arrivèrent au lit du nain, qu'ils trouvèrent amoureusement uni à la belle gauloise échevelée. « En vérité, dit l'empereur en parlant à ses chevaliers, voilà bien ce qui prouve que la femme est la plus vile chose du monde. » L'empérière, bientôt appelée à voir ce tableau, en témoigna une honte extrême en songeant que toutes les autres femmes souffriraient de l'affront. Comme l'empereur ne voulut pas permettre à la dame de rentrer au palais dans ses chambres, il n'y eut personne à Rome qui ne vint la visiter sur la couche de l'affreux nain qu'elle ne pouvait, malgré son dépit, s'empêcher de regarder amoureusement. Telle était l'indignation générale qu'on parlait de mettre le feu au lit et de les brûler tous deux. Mais Hippocrate s'y opposa vivement et se contenta d'engager l'empereur à les marier et à donner à la dame la charge de lavandière du palais. Le mariage fut donc célébré à deux jours de là. On leur donna 10 livres de terre et un logis près des degrés. La dame savait travailler en fil d'or et de soie. Elle fit des ceintures, des aumônières, des chaperons de drap ornés d'oiseaux et de toute espèce de bêtes. Elle amassa dans sa nouvelle condition de grandes richesses, dont elle fit part au nain, qu'elle ne cessa d'aimer uniquement jusqu'à sa mort, Et quand après 10 ans elle le perdit, elle demeura en viduité et ne voulut jamais entendre à d'autre amour. Ainsi parvint Hippocrate à se venger de la belle dame gauloise et à prouver que la sagesse de l'homme pouvait l'emporter sur la subtilité de la femme. Dès lors, il reprit son ancienne sérénité. Il consentit à visiter, à guérir les malades et à faire l'agrément des dames et des demoiselles avec lesquelles il passait tout le temps qu'il ne donnait pas soit à l'empereur, soit à ceux qui se réclamaient de sa haute science. C'est en ce temps-là qu'un chevalier, revenant à Rome après un grand voyage, se rendit au palais où l'empereur, après l'avoir fait asseoir à sa table, lui demanda de quel pays il arrivait. « Sire, de la terre de Galilée, où je vis faire les choses les plus merveilleuses à un homme de ce pays. C'est pourtant un pauvre air, mais il faut avoir été témoin de ses œuvres pour y ajouter la moindre foi. « Voyons, dit Hippocrate, racontez-nous ces grandes merveilles. Sire, il fait voir les aveugles, il fait entendre les sourds, il fait marcher droit les boiteux. « Oh ! Fit Hippocrate, tout cela je le puis faire aussi bien que lui. Il fait plus encore, il donne de l'entendement à ceux qui en étaient privés. Je ne vois en cela rien que je ne puisse faire. Mais voilà ce que vous n'oseriez vous vanter d'accomplir. Il a fait revenir de mort à vie un homme qui durant 3 jours avait été dans le tombeau. Pour cela, il n'eut besoin que de l'appeler. Le mort se leva mieux portant qu'il ne l'avait jamais été. « Au nom de Dieu, dit Hippocrate, s'il a fait ce que vous comptez là, il faut qu'il soit au-dessus de tous les hommes dont on n'ait jamais parlé. « Comment, dit l'empereur, l'appelle-t-on ? Sire, on l'appelle Jésus de Nazareth. » Et ceux qui le connaissent ne doutent pas qu'il ne soit un grand prophète. Puisqu'il en est ainsi, dit Hippocrate, je n'aurai pas de repos avant d'être allé en Galilée pour le voir de mes propres yeux. S'il en sait plus que moi, je serai son disciple. Et si j'en sais plus que lui, je prétends qu'il soit le mien. Il prit congé de l'empereur à quelques jours de là et se dirigea vers la mer. Dans le port arrivait justement Antoine, roi de Perse, menant le plus grand deuil du monde pour son fils Dardane, qui venait de succomber après une longue maladie. Les gens de Géminée ou deux fois employés. Voyez plus haut l'histoire de la guérison de Gaius. Hippocrate, apprenant ces nouvelles, descendit de sa mule et alla trouver le roi. Puis, sans lui parler, il se tourna vers la couche où Dardane était étendu comme celui qu'on se dispose à ensevelir. Il l'examina avec attention. Le pouls ne battait plus, les lèvres seules, légèrement colorées, laissaient quelques soupçons d'un dernier souffle de vie. Il demanda un peu de laine, il en tira un petit flocon qu'il posa devant les narines du gisant. Hippocrate vit alors les fils légèrement ventelés, et se tournant aussitôt vers le roi Antoine, « Que me donnerez-vous, sire, si je vous rends votre fils ? Tout ce qu'il vous conviendra de demander. C'est bien, je ne réclamerai qu'un don. » Et je vous en parlerai plus tard. » Alors Hippocrate prit un certain électuaire, qu'en ouvrant la bouche du malade, il fit pénétrer sur la langue. Quelques minutes après, Dardane poussa un soupir, ouvrit les yeux et demanda où il était. Hippocrate ne le perdit pas un instant de vue, le ramena peu à peu des bords du tombeau à la plus parfaite santé, si bien que, le 8e jour, il put se lever et monter à cheval, comme s'il n'avait jamais eu le moindre mal. Cette guérison fit encore plus de bruit que celle de Gaius. Les simples gens disaient qu'il avait ressuscité un mort et qu'il était un dieu plutôt qu'un homme. Les autres se contentaient de le regarder comme le plus grand, le plus sage des philosophes. Antoine ne savait comment il pourrait reconnaître le grand service qu'Hippocrate venait de lui rendre. Et, comme son intention était d'aller visiter le roi de Tyr, qui avait épousé sa fille, il proposa à Hippocrate de le conduire en Syrie. Ils se mirent en mer et arrivèrent après une heureuse traversée. Antoine, en présentant Hippocrate à son gendre, lui raconta comment il avait rendu la santé à son fils, et le roi de Tyr prit en si grande amitié le philosophe qu'il s'engagea, comme Antoine, à lui accorder tout ce qu'il lui demanderait, à la condition de rester quelque temps auprès de lui. Ce prince avait une fille de l'âge de 12 ans, très belle et avenante, autant qu'on pouvait l'imaginer. Hippocrate ne fut pas longtemps sans en devenir amoureux. Un jour, se tenant entre le roi de Perse et celui de Tyr, « chacun de vous, leur dit-il, me doit un don. Le moment est venu de vous acquitter. Vous, roi de Tyr, je vous demande la main de votre fille. Et vous, roi de Perse, je vous demande de faire en sorte qu'elle me soit accordée. » Les deux rois, d'abord fort étonnés, demandèrent le temps de se conseiller. « En vérité, dit le roi de Tyr, je n'entends pas que ma fille me fasse manquer à mon serment. » « Je vous approuve, reprit le roi Antoine, car pour m'acquitter envers Hippocras, j'irai jusqu'à vous enlever la demoiselle afin de la lui donner. » Ainsi devint Hippocras le gendre du roi de Tyr. Les noces furent belles et somptueuses. On s'étonnerait aujourd'hui d'un semblable mariage, mais autrefois les philosophes étaient en aussi grand honneur que s'ils avaient tenu le plus puissant état. Les temps sont bien changés. Après les noces, Hippocras, s'adressant à ceux qui connaissaient le mieux la mer, les pria de lui indiquer une île voisine de Tyr, qui lui offrit une habitation agréable et sûre. Ils lui indiquèrent l'île alors appelée Ogéan, parce qu'elle avait appartenu à un des plus puissants géants dont on ait parlé, et qu'avait mis à mort Hercule, parent du fort Samson. Hippocras s'y fit conduire, et, la trouvant bien à son gré, donna le plan de ses belles constructions, dont les messagers en quête de Nacien avaient admiré les dernières traces. Or, la fille du roi de Tyr, orgueilleuse de sa naissance, avait à contre-cœur épousé un simple philosophe. Elle ne put l'aimer et ne songeait qu'au moyen de le tromper et de se défaire de lui. Il n'en était pas ainsi d'Hippocras, qui la chérissait plus que lui-même, mais qui, depuis l'aventure de la dame de Gaulle, ne se fiait en aucune femme. Il avait fait une coupe merveilleuse dans laquelle tous les poisons, même les plus subtils, perdaient leur force par la vertu des pierres précieuses qu'il y avait incrustées. Maintes fois, sa femme lui prépara des boissons envenimées qu'elle détrempait du sang de crapauds et de couleuvres. Hippocras les prenait sans en être pour cela moins sain et moins allègre, si bien qu'elle s'aperçut de la vertu de la coupe. Alors elle fit tant qu'elle parvint à s'en emparer. Tout aussitôt, elle la jeta dans la mer. Grand dommage, assurément, car nous ne pensons pas qu'on l'ait encore retrouvée. Il en fit une autre aussitôt, moins belle, mais de plus grande vertu, car il suffisait de la poser sur table pour enlever à toutes les viandes qu'on y étalait leur puissance pernicieuse. Il fallut bien que la méchante femme renonçât à l'espoir de faire ainsi mourir son mari. Et c'était déjà beaucoup de l'avoir détourné de se rendre en Judée pour y voir les merveilles accomplies par notre Seigneur Jésus-Christ, qui eût été son sauveur, comme il sera celui de tous les hommes qui ont cru et qui croiront en lui. Il arriva que le roi Antoine, tenant grande cour, fit prier Hippocras de venir le voir. Hippocras y consentit, emmenant avec lui sa femme, qu'il aimait toujours sans qu'elle lui en sût le moindre gré. La cour fut grande et somptueuse. Les festins abondants et multipliés. Un jour, en sortant de table, après avoir bu et mangé plus que de coutume, Hippocras, voulant prendre l'air, conduisit sa femme devant les loges ou galeries qui répondaient à la cour. Comme ils étaient appuyés sur le bord des loges, ils virent passer devant eux une truie en chaleur que suivait un verra. « Regardez cette bête, dit alors Hippocras. Si on la tuait au moment où elle est ainsi échauffée, il n'est pas d'homme qui pût impunément manger de la tête. « Sire, que dites-vous là ? » fit sa femme. « Comment ? On en mourrait sans remède ? » ?»« Assurément, à moins qu'on ne bût aussitôt de l'eau dans laquelle la hure aurait été cuite. » La dame fit grande attention à ses paroles. Elle n'en laissa rien voir, sourit et changea de conversation. On entendit alors le son des tambours et des instruments. Hippocras la quitta pour aller au ménétrier. Elle, sans perdre de temps, appela le maître queue et lui désignant la truie. « Monseigneur Hippocras désire manger de la tête de cette bête à souper. Ayez soin d'en mettre dans son écuelle. Voici pour votre récompense. Et vous aurez encore soin, quand la tête sera préparée, de jeter l'eau dans laquelle elle aura bouilli sur un tas de pierres ou dans un fumier. Je n'y manquerai pas, dit le queue. » Il accommoda la tête. On corna le souper. Les nappes furent mises. Quand on eut lavé, le roi s'assit et fit placer Hippocras et les autres. Or, Hippocrate était l'homme du monde qui aimait le mieux un rôt de tête de porc. Dès qu'il en vit son écuelle chargée, il se fit un plaisir d'en manger. Mais à peine le premier morceau eut-il passé le nœud de la gorge, qu'il sentit une grande oppression dans son pouls et dans son haleine. Alors son premier mot fut « Je suis un homme mort, et je meurs par ma faute. Qui n'est pas maître de son secret, ne l'est pas de celui des autres. » Il quitta la table aussitôt, courut à la cuisine, et demanda au maître queue l'eau dans laquelle avait été mise la tête de la truie. « Je l'ai jetée, » dit l'autre, « sur le fumier que vous voyez. » Hippocrate y courut, essaya d'aspirer quelques gouttes de cette eau, mais en vain. La fièvre, une soif ardente le saisit, et quand il sentit qu'il n'avait plus que quelques instants à vivre, il fit approcher le roi et lui dit « Sire, je ne devais avoir confiance en aucune femme, je meurs par ma faute. »« Ne connaissez-vous pas, dit Antoine, aucun remède ? Il y en a bien un, ce serait une grande table de marbre qu'une femme entièrement nue parviendrait à chauffer au point de la rendre brûlante. Eh bien, faisons l'essai, et puisque votre femme est la cause de votre mort, c'est elle que nous étendrons sur le marbre. « Oh non, dit Hippocrate, elle en pourrait mourir. »« Comment ? Reprit le roi. Je ne vous comprends pas. Vous craignez pour la vie de celle qui vous donne la mort ? Tout le monde doit la haïr, et vous l'aimez encore ? Oh, que c'est bien la nature d'homme et de femme ! Plus nous les aimons, plus nous plions devant leur volonté, et plus elles se donnent de mal afin de nous perdre. » Mais Hippocrate parlait ainsi pour mieux assurer sa vengeance. La dame fut donc étendue sur le marbre, et, le froid de la pierre la gagnant peu à peu, elle mourut dans de cruelles angoisses, une heure avant Hippocrate, qui ne put s'empêcher de dire « Elle voulait ma mort, elle ne l'a pas vue, je vivrai plus qu'elle. » Je demande au roi pour dernière grâce qu'il me fasse conduire dans l'île qui, désormais, sera nommée l'île d'Hippocrate. Je désire que mon corps soit déposé dans la tombe qu'on trouvera sous le portique et qu'on trace sur la dalle de marbre les lettres qui diront « Sigi Hippocrate, qui souffrit et mourut par l'engin et la malice des femmes ».